Activité 6. Pierre. Ça fait 5 ans que je travaille dans cette entreprise. Je m'entends bien avec mes collègues. Le travail est intéressant, mais la charge de travail augmente chaque année. J'arrive plus à me déconnecter le week-end. J'emporte toujours mon ordinateur où que j'aille. Enfin, c'est mieux que de pas avoir de travail du tout. Corinne. Je travaille à l'Office du tourisme de Cabourg. Je m'occupe des activités pour les enfants pendant les vacances scolaires. J'organise des ateliers sur des thèmes artistiques. Ça m'amuse de stimuler leur créativité. C'est un métier épanouissant. Marie-Jo. J'aimerais davantage ce que je fais si je pouvais travailler de chez moi. J'ai un tout petit bureau. Je dois faire plus de 2 heures de transport par jour. Et depuis la rentrée, il y a de nouvelles collègues avec qui je ne m'entends pas très bien. Nicolas. Je suis bibliothécaire. J'ai toujours aimé lire et quand j'ai du temps libre, j'en profite. Il y a des avantages dans ce travail, mais il y a aussi des inconvénients. Par exemple, on passe beaucoup de temps à ranger, classer. Mais heureusement, il y a le contact avec les gens et avec les élèves lorsqu'on visite les classes. Christiane. Je suis responsable des ressources humaines dans une banque en Australie. Je travaille énormément. Je fais des semaines de 60 heures. Je n'ai que 5 semaines de vacances, mais je gagne aussi beaucoup plus que ce que je pourrais gagner en France. C'est un travail intéressant, avec d'importantes responsabilités, et je ne changerai pour rien au monde. Antoine. Je suis professeur de français. C'est vrai que c'est pas un métier facile de nos jours. Il y a des jours où je regrette d'avoir fait ce métier, et d'autres où je me dis que c'est le plus beau métier du monde. J'essaie de donner à mes élèves le goût des études, de les aider à grandir. Et quand j'arrive à leur transmettre le goût de la lecture ou le plaisir d'une œuvre, j'éprouve une grande satisfaction. Robert. Je suis formateur de journalistes dans les pays en développement. Je rencontre des personnes formidables qui ont parfois de grandes difficultés à exercer leur métier. C'est un métier très riche sur le plan humain.